bronzé, baisse la qu'a résonné. Musique là trop fort pour nous, pas l'état doux. Fini de chambre moi pour nous danser d'adou. On nous met chalet, on nous met chalet, on nous prend plaisir, on nous prend plaisir. Laissez musique là, fais-nous flotter.